On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu. Et oui, 5 minutes de retard. Bah oui, je viens pas en jet privé, j'ai arrêté le jet privé, donc je viens en voiture et forcément, des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et bien voilà, je suis là quand même pour On The Rock ce soir. On va écourter un peu le générique pour avoir le temps de tout se diffuser, car on a une belle programmation ce soir dans On The Rocks, à commencer par le coup de cœur qui est assez exceptionnel. Alors, est sorti un coffret il y a quelques jours de cela, qui est un coffret, un énième coffret d'inédits, de remix, de nettoyage de l'œuvre des Beatles. Alors vous savez que je suis un Beatles addict, on ne peut plus, et donc ce coffret Revolver, j'y allais un petit peu avec prudence en me disant bon voilà, et dans la version Deluxe, eh ben, il y a des choses absolument magnifiques, et en particulier en ouvrant le coffre-fort 60 ans après, on trouve encore des surprises et on a toute notre imagerie et nos certitudes concernant les Beatles qui parfois s'effritent un peu ou sont éclairées par une nouvelle découverte. Eh bien, c'est le cas de ce morceau, c'est une démo. Alors c'est John Lennon, tout seul avec sa guitare, qui se cherche un petit peu, qui cherche son morceau, qui cherche, qui bidouille. Et c'est un morceau assez nostalgique qui dit en substance, et il n'en dit pas beaucoup plus, dans la ville où je suis né, c'est-à-dire Liverpool, personne n'en avait rien à faire, personne s'occupait de moi, en gros. Donc c'est une chanson poignante, c'est une chanson plutôt intimiste, comme il en fera ensuite avec Julia, avec Mother. Et puis, ça dure 1 minute 30, et puis la mélodie nous dit quelque chose. Eh bien, cette mélodie, c'est celle de Yellow Submarine, puisque on pensait depuis le début que comme c'était une chanson un peu rigolote et un peu vieillotte, c'était plutôt du McCartney qui avait été donné à chanter à Ringo. Eh bien non, le point de départ, c'est du Lennon nostalgique, et ça deviendra, par le miracle de la rencontre de ces quatre-là, ça deviendra Yellow Submarine. Alors, ça va être le coup de cœur ce soir. Et puis enchaîné avec un instrumental qui s'appelle Rain. Alors le morceau existe déjà, il n'était sur aucun album des Beatles, mais c'était une phase B. C'est un de mes morceaux préférés des Beatles. Et là, on a la version instrumentale à la bonne vitesse. C'est-à-dire que le morceau a été enregistré à la vitesse qu'on va entendre. Et il a été ralenti pour donner une impression un peu cotonneuse. C'est celle qu'on connaît. Alors vous allez voir la vitesse à laquelle il joue. Et surtout, écoutez, tendez l'oreille, écoutez la batterie de Ringo et écoutez la basse, surtout de Paul McCartney, qui est absolument dantesque sur ce morceau. Voilà, on commence avec les Beatles ce soir dans The Rocks, mais c'est une émission spéciale Delgrès. Il y aura une belle interview de Delgrès, et puis on regardera dans le rétroviseur pour aller voir une chanteuse qui était prometteuse il y a quelques années et qui a bien confirmé ses promesses. Voici le coup de cœur ce soir, c'est John Lennon à la guitare, ça s'appelle les Beatles, et c'est la toute première démo et l'ébauche de Yellow Submarine. In the place where I was born, no one cared. No one cared, and the name when I was gone. No one cared, no one cared, and the town where I was born. No one cared, no one cared. If you run and you can run, no one cared, no one cared. In the town.

nouveautés dans On The Rocks. Il y a eu les Beatles, alors c'est des nouveautés pas très fraîches bien sûr, avec cette démo de Yellow Submarine et ce Rain instrumental et à vitesse grand V. Et puis à l'instant, c'est une vraie nouveauté. Alors Junius Mavent n'appartient pas qu'à Duduche, il appartient à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu son chouchou. Et bien Junius Mavent vient de sortir un album. Et bien si vous aimiez Junius Mavent, il est un peu plus cool celui-là, il est un peu plus tranquille. Ça ressemble à ses albums précédents, avec une très belle pochette. Il risque de se faire mal en tombant avec sa chaise, mais c'est une très belle pochette. Le morceau, en tout cas, c'était Believer. Et on va se le diffuser, cet album de Junius Mavent, dans les semaines à venir. Vous savez que cette année, l'émission que vous écoutez maintenant, à l'instant, fête ses 30 ans. Et oui, ma bonne dame, ça nous rajeunit pas. Et dans On The Rocks, pour les 30 ans, nous regardons régulièrement dans le rétroviseur avec des petits souvenirs qui, une fois qu'on regarde en arrière, peuvent nous paraître un peu étranges. C'est le cas de celui-ci. J'ai eu 30 ans. Radio Show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, On The Rocks. Le souvenir de ce soir, c'est un souvenir qui n'est pas si lointain que ça. Il y a quelques années, très peu d'années, en fin de compte, c'était à la salle de Saint-Jean-de-la-Ruelle. À l'époque où le grand Fred Salé, qui ne s'appelait pas encore Louis Arthur et qui ne s'était pas encore lancé dans le sol en scène, eh bien, assurait la programmation de cette salle, et la programmation sous son aile était vraiment magnifique. Et il y avait un concert que je m'étais promis de ne pas louper, j'ai pas regretté, c'était celui de Lisa Leblanc. Il y a eu d'ailleurs une très belle interview et un morceau acoustique spécial pour On The Rocks de Lisa Leblanc lors de cette soirée. C'était vraiment très bien. Alors généralement pour les interviews, on arrive un peu en avance et on arrive pendant les balances. Et je suis arrivé et Lisa était pas tout à fait dispo pour l'interview, il fallait que j'attende un peu, et c'était la balance de la première partie que je ne connaissais pas, et pour cause, pratiquement personne ne connaissait cette jeune femme qui était sur la scène de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et j'ai été scotché par sa voix, par son univers, je trouvais ça vraiment vraiment vraiment super. Et donc j'y suis allé au culot. Quand elle est descendue de scène, je lui dis voilà, je suis pas là pour toi, je suis là pour Lisa Leblanc, mais franchement ce que j'ai entendu, ça m'a bien plu. Est-ce que ça te dirait de m'en dire un peu plus et de faire une interview comme ça, improvisée, à l'arrache? J'avais prévu évidemment aucune question. D'habitude, je bosse mes interviews pas mal. Et là, j'avais aucune question à lui poser, bosser, puisque je ne la connaissais pas. Elle a dit, oui, ok. On a fait donc cette petite interview. Je connaissais une de ses amies qui s'appelle Alma Forer, qui avait été déjà par deux fois interviewée dans On The Rocks. Et donc voilà, on en a parlé, on a une bonne ambiance, on a bien rigolé, on l'a charrié Alma Forer à distance. Et puis voilà, j'ai voulu en savoir plus sur cette artiste qui commençait tout juste. Alors elle s'est livrée, elle m'a donné un petit peu sa vision des choses, sa vision de son début dans le métier. Elle n'avait qu'un EP qui était sorti, qui n'avait pas fait grand bruit à l'époque. Mais alors vraiment, je me suis dit, elle, quelle voix, et je pense que ça va être sympa. Elle, à la fin de l'interview, elle avait trouvé ça vraiment super. Elle avait dit, voilà, je vais faire ta pub de ton émission sur mes réseaux, ce qu'elle n'a pas vraiment fait, mais c'est pas grave. L'ambiance était vraiment très bonne et j'étais assez content, et je me suis dit, j'espère que cette fille va vraiment progresser dans le métier parce qu'elle le mérite et va avoir plus d'éclairage. Et cette fille, comme je viens de le dire, s'appelait Pomme, et voilà, et depuis on sait ce que ça a donné. C'est peut-être l'artiste française de chansons et de folk, on va dire de manière large, la plus célèbre en France actuellement. Elle enregistre avec l'Orchestre Symphonique de Radio France, voilà, tout va bien. J'ai eu la chance, j'étais au bon moment au bon endroit, mon oreille un petit peu aiguisée ce jour-là n'a pas louché. Et bien on va se passer un petit extrait de cette interview de Pomme que vous pouvez réécouter en intégralité sur le site ontherocks.net dans l'émission onglet émission spéciale. Voilà, alors depuis je n'ai pas recroisé Pomme et ça va être un peu plus compliqué d'avoir une interview, mais là c'était vraiment vraiment le moment, le bon endroit et surtout la bonne artiste qui était plus que prometteuse. Alors, t'as beau dire que t'as vieilli, t'es quand même pas très vieille, mais quel est le déclic dans ton souvenir le plus ancien où tu t'es dit « je suis chanteuse » ? Je pense que c'est les premiers concerts que j'ai faits avec mes premières chansons quand j'étais au lycée en seconde. Je faisais des concerts dans des bars à Lyon et c'est là où je me suis dit « bon, je kiffe vraiment ça, je kiffe vraiment chanter devant des gens. Même si j'étais hyper mal à l'aise au début et que je jouais vraiment de la guitare comme un pied, je kiffais trop, quoi. Je me sentais à ma place et tout. Je voyais que les gens venaient me voir et tout ça. Je pense que les premiers concerts dans les bars, ça a été super formateur et que ça m'a... En fait, il y a eu deux déclics. Il y a eu ça, qui était un premier déclic, mais où j'y croyais pas vraiment. Et il y a eu un deuxième déclic récemment, en fait, il y a moins d'un an, quand j'ai fait le chantier des Francofolies, qui est un accompagnement d'artistes, et où en fait, la première semaine, ça m'a un peu bouleversée et ça a un peu remis... J'ai un peu revu l'ordre de mes priorités dans ma vie et, où je me suis dit, bon, j'ai arrêté les études à ce moment-là, en fait. Et c'est là où je pense que quand j'ai arrêté les études, je me suis dit que ça deviendrait mon métier, la musique, pour le moment, en tout cas. Donc, ouais, il y en a eu deux, en fait. When I see you, I will breathe again. Tell me the truth. Do you feel the pain? Do you cry love at night? I do cry sometimes. I try to let it go. Du dernier album de Pomme, vous savez, celui où elle est en gros champignon, pour rendre hommage à Claude Ponty. Eh bien, ça s'appelait When I See You, un des rares morceaux en anglais. Bon, voilà, vraiment, Pomme a confirmé, et c'est vraiment magnifique. Voilà un autre artiste et un autre groupe que je suis très heureux d'avoir croisé. Alors là, c'était il y a moins longtemps, c'était à l'Astrolabe, c'était il y a quelques semaines. Et ce soir, on va se diffuser et on va plonger maintenant, corps et bien, et pour quasiment l'intégralité de l'émission, dans l'univers de ce trio fantastique qui s'appelle Delgrès. Salut à tous, c'est Delgrès sur On The Rocks. C'est un mélange qui pourrait paraître inattendu au départ, mais c'est un mélange qui fonctionne véritablement bien. C'est un trio qui écume les routes depuis quelques années maintenant, qui ont deux albums à leur actif. Il y a ce chanteur qui chante en guadeloupéen, souvent en anglais parfois, en français rarement. Il y a ce batteur assez tellurique. Et puis il y a cette basse qui n'est pas jouée par une basse, vous allez en avoir l'information dans quelques secondes puisque les musiciens vont se présenter. Une basse dans laquelle on souffle, ce n'est pas si courant. Et puis voilà, il y a ces prestations scéniques dont on parle qui vont de bouche à oreille et qui nous disent à quel point ce groupe est bon. Ça pourrait ressembler un peu à du Black Keys, mais ce n'est pas du Black Keys puisqu'il y a derrière ces paroles qui également nous font vibrer. Et puis cet hommage à Delgrès, d'où le nom du groupe, ce personnage qui avait lutté contre l'esclavage, qui avait été rétabli par Napoléon et qui est mort en défendant la liberté et la liberté des peuples opprimés. Et bien voilà, tout ça fait un mélange que je me faisais un plaisir d'aller découvrir sur scène. Je n'ai pas été déçu, et en interview, et je n'ai pas été déçu non plus. Voici donc la première partie de l'interview des grands Delgrès. Donc j'ai la joie d'être avec Delgrès. Je vais vous laisser vous présenter parce que c'est pas de la télé, donc vous allez vous présenter chacun à votre tour. Bonjour à tous, c'est Baptiste, batteur de Delgrès. Salut, c'est Ravji, je joue le sousaphone qui est un tuba et qui remplace la basse dans Delgrès. Bonjour, c'est Pascal Danaé. Je joue la guitare et je chante. Alors, j'ai vraiment la joie de vous voir ce soir sur scène et je vous ai jamais vu. Donc, est-ce que vous pourriez donner à un néophyte comme moi la définition d'un concert de Del Grace ? À quoi ça ressemble ? Un feu d'artifice. Ben non, on est Del Grace, c'est une musique, ce qu'on appelle du hard blues. C'est-à-dire que c'est trempé dans le blues, c'est assez énervé par moments, parce qu'il y a le côté hard, mais c'est aussi chanté en créole, et c'est pas anodin, puisque ça veut dire aussi que dans cette musique, il y a des moments où on touche à une espèce de sensibilité, à quelque chose qui est vraiment très émotionnel, et c'est ça Del Grace, on est à la fois dans le bayou, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, on est avec une musique hyper intense, mais aussi avec des moments où on peut vraiment ouvrir son cœur et laisser sortir des émotions très très très profondes. Donc en fait on oscille entre les deux, parce que voilà, c'est la vie, c'est ça, la vie c'est le feu, mais aussi l'eau, la lune, donc c'est important quoi, d'avoir cette espèce de combinaison émotionnelle. Sur la scène de l'Astrolabe, et c'était un des grands moments. Ça s'appelle L'école. Ça figure sur l'album de Del Grace. Del Grace qu'on retrouve en interview dans The Rock ce soir. Voilà, on ne sait jamais quand on rencontre des artistes s'ils vont correspondre à l'image qu'on s'en faisait. Moi, l'image était plutôt plus que positive. Eh bien, ils sont exactement à l'image de ce que j'ai imaginé, c'est-à-dire généreux, prolixe et intéressant. Justement, et la langue idéale pour dévoiler l'intime. Alors, je vais remettre. Est-ce que le créole, justement, est la langue idéale pour dévoiler l'intime ? Ça fait partie de mon histoire. Moi, je suis né en France, métropolitaine, mais de parents guadeloupéens. Donc, ça fait partie de ce que. Voilà, c'est une langue avec laquelle j'ai grandi. C'est vraiment donc, mon intime, ma famille. Et une bonne partie de l'histoire de Del Grace, c'est lié à mon histoire personnelle. Et forcément. Oui, ça me permet d'aborder des thèmes qui sont très très intimes, même parfois avec une certaine pudeur, d'ailleurs. Et puis l'autre chose qui est bien dans le créole, c'est que comme l'anglais, c'est une langue qui me permet de faire des raccourcis et d'avoir en très très peu de phrases, pouvoir comme ça de peindre une espèce de tableau. Ouais. Et quand vous jouez en Guadeloupe, je pense que vous avez déjà joué en Guadeloupe, bien sûr, est-ce que le ressenti de la scène est le même qu'en métropole ou c'est décalé ? C'est vrai que la première fois où on est allé jouer là-bas, c'était il n'y a pas finalement très longtemps, et c'était après une longue tournée qu'on avait fait voilà, à travers le monde et la France, mais c'est vrai qu'on n'avait pas été en Guadeloupe. Et quand on y est allé, c'était un accueil absolument formidable. Les gens connaissaient déjà les paroles, la musique pour certains, et l'histoire de Louis Delgrasse, évidemment. Donc c'était une communion intense, et c'était un des plus beaux concerts de notre vie. J'imagine que pour toi, Pascal, du coup, ça devait être super émouvant, ça. Oui, parce que, bien sûr, là, ce coup, c'était le seul endroit où tout le monde connaissait les paroles. Enfin, les entendait, les comprenait, je veux dire. Et évidemment que quand il y a cette connexion directe, d'autant plus que les thèmes abordés sont quand même des thèmes, voilà, notamment sur le premier album, on est vraiment dans, voilà, pour rappel, Louis Delgrasse, quand même, voilà, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour lutter contre le rétablissement de l'esclavage en 1802, voilà. Et donc, porter le nom de quelqu'un comme ça qui a défendu la dignité humaine, qui s'est battu pour ses valeurs et qui est mort en Guadeloupe, même s'il était né en Martinique, c'est important, c'est pas anodin. Donc, les paroles, même si elles ne parlent pas toujours directement de sacrifice de Louis Delgrasse, ça aborde tout un tas de thèmes qui vont toucher les gens, les créoles, dans leur cœur, dans leur ADN. Libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi, et moi que tout véchime à moi. Libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi. Montez-moi chemin, libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi, pas besoin d'accompagner-moi, même s'il faut moi ramper, moi que trouver, libérez-moi. Ouais, ce qui s'appelle être surpris par la fin d'un morceau. Alors, je ne vais pas m'avancer à essayer de prononcer les titres. Je me suis, comme vous allez le voir, un peu ridiculisé avec eux, parce que mon accent créole n'est pas très bien. Limeremoué. J'aurais besoin de ma sœur là. Voilà. Et puis ensuite, c'était Anko, des morceaux que vous pouvez retrouver sur les deux albums de Delgrès, qu'on va retrouver tout de suite maintenant, là, maintenant, en interview dans The Rocks, avec nos trois compères. C'était juste avant le concert. Et bah, le concert était vraiment, vraiment très, très bien. Alors, on fait les malins parce qu'on croyait connaître votre son par cœur et votre musique par cœur. Comme vous disiez, un hard blues qui n'est pas si éloigné des Black Keys, par exemple. Et puis là, sur le dernier morceau qui est sorti, alors vous allez voir mon accent créole, désolé. Moine Valley Mâché, c'est ça? Moine Valley Mâché. Ouais, je m'en doutais. Je m'y attendais. C'était très loin. C'était très, très loin. Bah, c'était Berrichon, quoi, tu vois. C'est, il y a quelque chose à créer. C'est vrai, c'est quelque chose à créer. Bah, là ça a plus des sonorités country. Il y a presque même des couleurs cajun, un peu. Et donc, du coup, c'est la nouvelle direction, c'est un one shot ou... Non, ça fait partie de nous. Pourquoi il y a un sousaphone dans Delgrès? Because la Louisiane, parce que la Nouvelle-Orléans et la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, quand vous poussez, vous allez deux heures un petit peu à l'est, et c'est le pays cajun, c'est Lafayette. Lafayette, c'est le premier endroit où on a mis les pieds aux États-Unis, c'est comme une deuxième famille. Là-bas, ils sont francophones. Ils ont un créole également. Donc il y a énormément de passerelles. Quand on est arrivé là-bas, c'était ouais, on est vraiment comme à la maison. Et la musique cajun, avec ce côté l'accord, à la fois l'accordéon, toute cette espèce de, justement, il y a une espèce de nostalgie, il y a comme un cri dans la musique cajun. C'est très très proche de ce qui se passe dans la Caraïbe. Donc on est vraiment chez nous. Ce qu'on a simplement voulu faire avec Moine Valley Mâché, c'est comme une espèce de, comme ça, une petite photo d'une chose qui fait partie de nous. Quelque chose qu'on a, ce coup, on a remis un petit peu comme ça en avant. Mais c'est vraiment plutôt le côté cajun. D'ailleurs, Chris Stafford de Lafayette a joué de l'accordéon avec nous sur cette chanson. Donc c'est vraiment pour nous dévoiler un petit peu de notre intimité, finalement. Ouais, parce que là tu vois un son qui est différent, mais c'est parce que ce titre, tout simplement, il est vraiment acoustique. Voilà, il a été enregistré en acoustique, c'est en acoustique, et voilà, il est très très smooth, et puis voilà, ça rappelle vraiment l'ambiance de là-bas, donc ça fait partie de ce qu'on fait aussi, quoi. Même si les lives sont un peu excités, on doit quand même le dire, il y a quand même des passages, il y a toujours un petit moment quand même de tendresse, d'émotion. Oui, moi v'lé danser. Depuis la ca tombé, oui, mais oui, moi v'lé danser. Juste en soleil la viré. Depuis la ca tombé, oui, moi v'lé chanter. Oui, moi v'lé chanter. Oui, moi v'lé chanter. Oui, moi qui chanter. Depuis la ca tombé, oui, mais oui, moi v'lé chanter. Juste soleil la vie. Si mon Dieu pas, moi on dit chance, c'est à moi qu'elle profite. J'ai moins cassé, mais moi blé à mieux. Oui, moi blé à mieux. J'ai moins qu'à saigner, mais moi v'lé un mieux. Oui, moi v'lé un mieux. Juste en l'homme l'a crié. Juste en l'homme l'a crié. Juste en l'homme l'a crié. Lorsque lorsque j'ai préparé cette interview, que j'ai monté cette interview, ce morceau était le dernier des Delgrès. Je me suis dit super, je vais avoir la dernière nouveauté, mais il y a eu un peu de délai avant la diffusion. Eh bien ça y est, il y a déjà un nouveau morceau de Delgrès qu'on peut écouter. On se le diffusera une autre fois dans The Rocks, mais pour l'instant, nous allons retrouver le trio Infernal en interview. Alors justement, ce qui fait, outre les deux albums phénoménaux et apparemment sur scène super, ce qui fait un peu votre singularité aussi, c'est que les paroles dressent un miroir sans concession d'un peu de certaines réalités de notre monde. Et en même temps, quand on écoute votre musique, on en ressort euphorique, mais avec une euphorie de joie. Donc du coup, optimiste ou pessimiste ? Optimiste. Résolument optimiste. Nous, on est là justement pour... je pense que c'est important de considérer, enfin, en tout cas c'est la manière dont moi je vois les choses, c'est que la chanson, ça peut être vraiment une manière de parler d'un problème tout en donnant le médicament. Je vais pas faire Zoukla, c'est le médicament Nouni, parce que... mais quelque part, en fait ce qu'il dit là-dedans simplement, c'est que oui, la musique c'est le médicament qu'on a, mais les paroles c'est pour créer le lien avec la personne, c'est dire à la personne qui écoute ces paroles, je te comprends, je suis comme toi, j'ai vécu ça, je sais ce que tu traverses, mais en même temps je te balance un son qui va te permettre d'oublier ça et de pouvoir aller passer au-delà de ces difficultés. Donc c'est ce qui se passe au concert de Delgrès, en tout cas ce qu'on a pu recueillir comme témoignage des gens avec qui on a parlé souvent, c'est dire voilà, je suis arrivé là avec mes problèmes et tout, la tête farcie, et en gros je suis ressorti, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu laisser aller, voilà. Donc c'est l'expérience qu'on aime partager avec les gens, c'est un moment de lâcher prise où on peut se retrouver et puis s'oublier en même temps. C'est pareil sur scène, hein, c'est-à-dire que ce que dit Pascal pour les gens, bah, c'est valable pour nous. C'est vrai qu'on arrive sur scène, il s'est passé des choses avant, tout ça, et durant cet instant de, on va dire cet instant de partage, c'est pas non plus une messe, mais durant cet instant, bah, on oublie tous nos problèmes, on est ensemble, et puis on s'amuse ensemble, quoi. Et il y a aussi un truc par rapport au créole, c'est que peu de gens parlent créole, réellement. Moi-même, d'ailleurs, je parle pas créole. Je vous l'avoue ce soir, les gars. Il y a toujours des mots que tu vas capter, et puis tu peux te faire d'une chanson, tu peux te faire ton propre sens sur le thème de la chanson. Il y a toujours un truc qui se passe, de toute façon, quoi. Préférez-moi aujourd'hui. Jody, c'était Delgrès, et ce soir Delgrès, c'est en interview et c'est dans On The Rocks jusqu'au bout de l'émission. J'espère que vous avez poussé les meubles et que vous sautillez joyeusement. Et donc grosse énergie sur scène, et après il faut enregistrer les albums. Alors est-ce que c'est facile de mettre cette énergie en bouteille? Bah, en tout cas c'est pas trop compliqué, sachant qu'on vient vraiment du live. On a commencé comme ça, d'ailleurs le premier album on l'a enregistré en live dans la même pièce, le deuxième également avec des choses un peu, un processus un peu différent, et le troisième on va je pense aussi faire de la même manière. Alors là on travaille un peu les chansons chacun de notre côté, on s'envoie des choses, voilà, comme internet c'est super et on a tous un home studio à la maison, on essaie de gagner du temps pour trouver les directions. Mais oui, en tout cas le live et de jouer ensemble donne une vraie valeur à la musique de Delgrès, et ça s'entend sur les albums généralement. Vous venez de trois univers différents un peu à la base. Là, vous vous retrouvez, la cohésion est parfaite. C'est ce qui fait votre son aussi, et la singularité de votre formation avec les instruments. Est-ce que vous avez été tenté parfois d'intégrer d'autres instruments pour faire évoluer le son, ou alors vous dites là, on a un joyau avec qui sonne que comme nous et on n'y touche pas? Bah, c'est quelque chose qu'on exclut pas. En fait, on n'exclut rien qui nous permette d'explorer, voilà, l'endroit si notre cœur nous porte vers. Alors, envie de travailler, j'en sais rien, un quatuor, des cuivres ou des violons, machin. Si notre cœur nous dit d'aller là, ben on l'exclut pas. Donc on l'exclut pas d'avoir, oui, pourquoi pas, une autre personne qui arrive à un moment donné dans le groupe. Si à un moment on est tous bien avec cette idée que ça fait sens par rapport à la musique qu'on fait, eh ben ouais, c'est pas exclu. Ben, parce qu'on sait aussi qu'on a une solidité. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas envisagé ça au début, mais là aujourd'hui. Voilà, la base est solide. Après, à partir de là, tout est possible. C'est un trio, mais ouvert en vérité. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent faire de la musique avec nous, nous on est là, on a une identité qui, je pense, effectivement assez claire pour que la personne puisse savoir comment se placer, revenir et puis savoir si elle se sent bien ou pas, quoi. C'est nous pas. nous fait pour Timoun en nous. C'était un instant Delgrès dans The Rocks. Eh bien, on continue l'interview Delgrès. Bien sûr, il y a de la Guadeloupe, mais il y a du blues. Et c'est pas un hasard si on écoute les propos du chanteur. Alors, je disais, vous venez d'univers un peu différent au départ. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous met tous d'accord? Un artiste commun à vous trois que vous aimez tous les trois? J'aime bien Mozart, je crois. Voilà. C'est bien Mozart. Enfin, c'est beaucoup d'accord. C'est ça, oui. Bah, déjà, oui, mais nous aussi, du coup. Oui, voilà, bah, c'est clair que dans le cas de Baptiste et moi, c'est un peu plus évident parce qu'on vient tous les deux de la musique populaire. Enfin, voilà, Raph, lui, a un passé plus classique. Disons, donc ça tend vers d'autres choses. C'est pour ça que quelque part, effectivement, quand on dit Mozart, je pense qu'on est à peu près sûr d'être tous les trois d'accord. Après, si je dis, Mississippi John Hurt ou Johnny Hooker ou Big Bill Bronzy, bon, bah, peut-être que Rap va sortir un petit peu. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on se. En fait, le truc sur lequel on se retrouve vraiment, c'est juste que quand on joue, il n'y a pas de. Le plaisir, il est immédiat. On n'a pas besoin de parler. Et ça, c'est le truc que je trouve le plus précieux. C'est de pouvoir me poser avec des musiciens et de pouvoir immédiatement faire de la musique et savoir que ça va commencer à un endroit et on ne sait même pas où on va aller, mais on y va ensemble. On évolue toujours, même quand il se passe des choses un peu inattendues sur scène, on est toujours ensemble. Et ça, je sais pas à qui on pense, si on pense à Mozart, Beethoven, lui, il pense peut-être à je sais pas, qui fait Goodman, que j'en sais rien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est ensemble et on se lâche pas, quoi. Je vous confirme que ça s'entend. Cette osmose, elle s'entend, en tout cas. My Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle, my Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. Belle, I love her well. I love her more. Anyone can tell. When stars shine, I'll call her mine. My darling baby, my Creole Belle. Belle, I love her well. I love her more. Anyone can tell. When stars shine, I'll call her mine. My darling, my Creole Belle. Team Mamselle, nous fait un bel chemin. Jeudi jour, faut nous séparer. Les larmes sonnent, il faut nous accepter. Just don't be far encore. même si Delgrès est un trio très soudé, avec un son très compact et une identité très vive, eh bien la porte n'est pas fermée à d'autres collaborations. La preuve avec ce magnifique morceau qu'on vient de se diffuser dans The Rocks, c'était les Delgrès, effectivement, mais en duo avec Sky Edwards. Et Sky Edwards, c'est la chanteuse de Morkeba. Et oui, très très belle association des deux voix. Et puis juste avant, c'était Mississippi John Hurt avec My Creole Belle. On retrouve à nouveau Delgrès et on parle avec eux d'une autre collaboration, d'une autre rencontre qui a eu lieu et qui a fait des étincelles. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a dans le bus, est-ce qu'il y en a un qui met des fois, à chaque fois qu'il essaie de tenter un truc et que les autres ont envie de sortir du bus? On a un groupe qu'on déteste, mais je vais pas le dire. Ah, d'accord. Parce que, enfin, c'est pas qu'on déteste, c'est pas notre truc, et voilà. Et on... Mais oui, oui. Ah, bon, voilà. Mais en fait, généralement, on se concentre plus sur ce qu'on aime, et voilà. Ouais, donc, ouais, c'est juste parfois quand ça passe à la radio, quand il y a des trucs où qu'on en parle, où on se dit qu'on c'est moins notre truc, mais. Mais en fait, j'aime aussi dire que les choses qu'on n'aime pas nous font aussi aimer vraiment plus ce qu'on aime. Quoi. Donc voilà, c'est tout. Excusez-moi, ça vient de sortir donc. Confucius, quand même. 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez enregistré sur le premier album un morceau avec Jean-Louis Aubert. Sur le deuxième. Sur le deuxième. Sur la réédition du premier. Sur le bonus du premier, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui vous a surpris chez lui? Alors, je crois que c'est arrivé par toi, c'est ça, non? C'est toi la connexion? Oui, mais en fait, on le connaît un peu. Pascal et moi, on le connaît. Moi, j'ai fait une tournée, un album avec lui. Voilà ce qui fait que la collaboration était beaucoup plus simple que si on ne le connaissait pas. Moi, ce que j'adore chez Jean-Louis, c'est sa simplicité. Et il sera toujours content de faire voilà ce genre de duo. Et c'est quelqu'un qui prend les choses très très à la cool. S'il aime, il aime quoi. Voilà, donc c'est moi, c'est ce qui m'interpelle chez lui, hein. C'est vraiment ce côté musical et juvénile qu'il a toujours gardé, et il est toujours content de partager des moments musicaux avec les gens. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je connaissais pas, donc moi, j'ai été surpris. Ben, c'est la même chose, la simplicité, et puis en fait, la sympathie. Il est juste super naturel, sympa. Enfin, voilà. Quand on bosse avec lui, on n'a pas l'impression d'avoir une star à côté de nous, qui pourrait nous écraser, en fait. Parce que, tu vois, avec quelque chose de star, mais en fait, non, c'est juste un musicien comme un autre qui prend du plaisir. Et s'il est là, c'est parce qu'il a envie, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est surprenant, quelque part, si on ne le connaît pas. Après, quand on le connaît, on sait que c'est comme ça. On te chante sans pour famille, au moins comme ça, comme ça. I can't live without your love, baby. No, no. Robert en compagnie de Delgrès. C'était leur version de Vivre sur la route, qu'on retrouve sur le premier album de Delgrès. Alors ce duo, c'est sur la version bonus, la version augmentée. Et si vous voulez entendre la version juste Delgrès et pas Jean-Louis Aubert, ce qui serait une drôle d'idée, eh bien c'est sur le premier album, dans sa première version. On les retrouve en interview tout de suite, les Delgrès. Et on parlait de surprise. Est-ce que vous vous surprenez, vous, sur scène, parfois? Est-ce que vous essayez d'aller choper l'autre et de l'emmener dans un sens où c'était pas prévu? Est-ce que vous vous surprenez? Est-ce que vous êtes joueur un peu, parfois? Bah, en fait, on se surprend, oui. Et à la fois, on a tellement confiance les uns en les autres que c'est super simple. Et il peut arriver parfois, quand on enchaîne les dates, qu'il y en ait un ou deux qui sont un peu fatigués. Bon, bah, le troisième, sans forcément faire gaffe, il va essayer de pousser, voilà, en soutien. Et de toute façon, on est un trio. Donc, s'il y en a un qui est pas là en jouant, on va l'entendre tout de suite. Et c'est ça aussi qui fait notre cohésion. Et on est hyper, hyper ensemble, quoi. Et c'est quelque chose de génial. Mais, on s'amuse aussi, tous les concerts ne sont pas les mêmes. Il y a des titres où parfois il y a des petits. Ouais. Pas plus que ça, c'est surtout les manières de jouer. Par exemple, moi je vais oublier un arrangement qu'on a vu la veille ou autre chose, ben, c'est pas grave, on va dans ce sens-là. Disons que les erreurs, on les cultive. Si moi je fais une erreur, on va aller dans cette erreur-là, on va voir ce qui se passe tout en respectant la chanson. Mais ça, les gens ne peuvent pas trop l'entendre, mais nous, ça nous anime. Voilà. Après, on essaie de faire attention, mais voilà. Toujours des choses qui arrivent, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas que des erreurs. Hein. Des fois, les morceaux ils vont ailleurs parce qu'il y a l'envie du. Enfin, il y a l'instant. Il se passe l'instant. On n'est pas sur un groupe dont les morceaux sont hyper formatés. C'est-à-dire que si ça va ailleurs, ben, c'est pas grave, ça va ailleurs. Ça peut durer beaucoup plus longtemps, un morceau. Voilà, suivant ce qui se passe. Des fois, ça vient du public. Il donne quelque chose. On n'a pas envie de s'arrêter. Ben, ça continue. Voilà. Et puis, le morceau, il peut aller carrément ailleurs. C'est la force du trio. Enfin, ouais, Jimi Hendrix Experience. C'est la force que, comme on se fait confiance, ça peut arriver. C'est pas grave. On va pas freiner des cas de fer en disant oula, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? C'est dangereux. Non, ben, c'est super. Qu'est-ce qui se passe? C'est cool. On y va. Ça va être génial. Oui, on n'a jamais eu de problème, en fait. Non. Puis surtout, en fait, quoi qu'il arrive, on a aussi confiance en notre public. C'est-à-dire que les gens. Ils viennent pas voir du Delgrès ou enfin en général tout ce genre de musique pour voir un show qui est le même que avant-hier tout ça. Ils viennent vivre un moment. Et si à un moment il y a même un truc où c'est un peu genre waouh, semi-catastrophe, tiens il y a un truc qui se passe, et ben le public il est avec nous, ben on est là, ouais, la complicité. Tiens voilà, il s'est passé un truc particulier, on en rigole tous, la musique recommence, ça repart et puis c'est parti quoi. Et on aime bien même quand il y a quelque chose un peu spécial qui arrive comme ça. Et c'est ce que les gens qui nous voient souvent, parce qu'on a des gens qui nous suivent un peu et qu'on voit à plusieurs concerts, bah, quand ils viennent nous voir à la fin, c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, bah voilà, ce soir, j'ai adoré ça, bah, c'était pas du tout comme l'autre fois, machin, bah, voilà. Donc, donc, pour ceux qui nous suivent, ils savent que c'est toujours différent. laissez-moi vivre. Encore et toujours ce soir dans The Rocks avec ces mots-là. Voilà, il n'y a pas grand-chose à acheter, hein. Franchement. Alors, chez les Delgrès, je vous conseille vraiment de vous plonger dans les deux albums et on retrouve l'interview des trois gaillards maintenant tout de suite. Alors il y a les paroles aussi qui, je disais, sont parfois presque politiques. Le morceau Votre fourmi est imparable. Est-ce que la liberté, l'égalité, la fraternité qui est même intrinsèque à votre nom de groupe? Est-ce que vous pensez que ça peut encore passer par les urnes ou est-ce que vous pensez que ça peut passer par d'autres chemins? Ça peut passer par les urnes, mais il n'y a rien qui passe par les urnes et qui ne passe pas d'abord par nous. Parce que les urnes, c'est juste un geste, mais c'est d'abord une pensée. Et donc, il y a beaucoup de choses à repenser, justement, pour que les urnes puissent parler correctement. Il faut d'abord qu'on arrive à penser. Et pour arriver à penser, il faut qu'il y ait peut-être un peu moins d'inflation, d'informations et tout ça. Enfin bref, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut discuter, réfléchir et autres. C'est certain que dans ce groupe, on aime mettre le doigt sur des problèmes. En fait, c'est souvent des réalités sociales, en fait. Parce que même l'esclavage, tout ça, la vérité, c'est quoi? C'est des gens qui essaient de faire du profit en ayant des gens qui travaillent pour rien. Donc voilà, après c'est cette mécanique-là qui fait qu'aujourd'hui encore on est dans les mêmes problèmes d'injustice sociale et tout. On aime bien mettre le doigt là-dessus, mais toujours dans le même esprit, c'est-à-dire non pas pour dire attends, c'est eux les méchants et puis nous les gentils et autres, c'est qu'en fait chaque être humain a cette capacité d'être le pourri de l'autre. Voilà. Ou d'être le bienfaiteur. Voilà. Donc chacun a cette capacité, mais dans un jour, une seule journée, la même personne peut faire les deux. Donc, il faut jouer avec ça, doser avec tout ça, garder le sourire et puis se dire que chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose pour que on puisse tous ensemble arriver à aller vers un truc un peu moins naze. Voilà, donc nous, c'est juste notre petite voix où de temps en temps, on va dire un petit mot voilà, sur le président ou les gens comme ça, pour leur rappeler quand même que c'est important, effectivement, on ne vote pas... sur la base de paroles qui n'est pas tenue, quoi. If you give me your hand, I can take you anywhere, you know, I'm your friend. You and I can make things better, don't look behind. Forget the ones that told you lies, the man, general world. And I'll take you to another shore. Yeah, the sky is always blue. The sun. Yeah. Just For Me, morceau, Just Vote For Me, pardon, morceau imparable des Delgrès, qu'on retrouve. On est très en retard en interview dans The Rocks. L'émission risque de déborder un peu, mais je crois qu'il n'y a pas Rémi et la rivale du sport. Ça tombe plutôt pas mal. Alors, quand l'actualité nous assomme et qu'on est un peu down, nous, on peut écouter Delgrès pour nous donner, faire du bien, mais vous, à part Mozart, vous avez grillé, vous n'avez plus le droit de dire Mozart, qu'est-ce que vous écoutez qui vous fait du bien? Moi, c'est un peu tout un tas de choses. J'aime beaucoup la folk américaine, notamment. Donc, je me mets des playlists, j'écoute, ou voilà. Mais j'écoute sans écouter. Voilà. J'aime bien juste flâner musicalement, me laisser un peu porter par ce que je peux entendre et découvrir des choses. J'aurais pas de nom de groupe là pour diffuser. Tu vas pas me donner un nom de. Si, alors moi, j'aime beaucoup Police, notamment. Ouais. J'écoute souvent ce groupe-là. Et là, je réécoutais Bob Marley aussi. Bon, c'est des choses qui me passent par la tête et j'aime bien. Un peu mettre ma tête dedans pour voir comment ça m'inspire. Et mais je reviens souvent à ce genre de groupe. Entre des trucs qui sont extrêmement différents, vraiment. Tous ces derniers temps, je réécoutais à la base de mon chant, et pour moi, c'est des trucs qui sont extrêmement liés. Il y a le Groka, qui est le Groka, et le Belay, qui sont les musiques traditionnelles de la Guadeloupe et la Martinique, vraiment basées sur le tambour et le chanteur. C'est vraiment notre blues à nous. La plupart des gens ne connaissent pas, mais en fait, quand on met le doigt là-dedans, on réalise à quel point c'est vraiment le blues de la Caraïbe. Les thèmes, les voix, voilà, tout est pareil. J'oscille entre ça et Palestrina, le chant polyphonique de la Renaissance, qui est juste, c'est fantastique. C'est merveilleux, parce que vraiment, ça fait planer, c'était de la musique sacrée. Hein. Et très, voilà, que des voix, et c'est un truc de fou, parce qu'en fait, il y a comme une espèce, ce que je retrouve, là, le point commun avec les musiques qu'on aime, qui est le blues ou autre, il y a toujours une espèce de bourdon, il y a un truc qui est là, qui s'installe, une espèce de transe. Bah, quelque part, la transe, eux, à l'époque, ils l'avaient par une espèce de résonance. Toutes ces voix qui rentraient en résonance et l'acoustique, ça faisait que vous étiez transporté dans une espèce de tourbillon. Et voilà, il y a des moments où moi j'écoute ça parce que ça me fait vraiment décoller, ça me remet tout, ça me remet en paix. Et voilà, donc j'oscille entre ça, un bon vieux Big Bill Bronzy, Mississippi John Hurt que j'adore, la folk américaine aussi, j'adore. Et puis voilà, tous ces trucs de la Caraïbe. Là, pas répondre parce que c'est encore pire que Pascal. C'est-à-dire que... Justement. Non, mais j'aurais pas de nom de groupe à donner, ni d'œuvre à donner parce que je me régale de tellement de choses. Voilà. Et comme disait Baptiste, par contre, il y a des terrains sur lesquels je vais pas. Ouais. Donc, voilà. Mais sinon, c'est... En fait, ce qui se passe en musique, c'est que il y a tellement de plaisir et les plaisirs sont tellement variés, quelque part, qu'on peut décider, ou d'ailleurs, juste apprécier une niche, et s'en rassasier constamment et trouver ça génial, et c'est génial, comme on peut voilà, apprécier tellement de musiques différentes, et elles vont faire appel à des zones différentes, peut-être du cerveau, j'en sais rien, c'est pas du tout les mêmes émotions, mais elles sont toutes aussi fortes les unes que les autres, donc il y a pas de mot bien. Il y a peut-être des fois des gens qui jouent moins bien que d'autres, donc qui servent moins bien, hein, mais tout ce que je peux dire, sinon tout est bon. Il y a des artistes de hip-hop aussi qui sont... Je sais qu'évidemment Kendrick Lamar, c'est un peu bateau de dire ça, mais quand même, lui... j'ai réécouté aussi l'album de Pharrell Williams il n'y a pas longtemps, In My Mind, qui est un peu son album, je crois, qu'il a fait, je crois que c'est de date de 2006, et c'est phénoménal. D'une manière, ce niveau-là de production, les voix, la musique, comment les gens sont dans leur musique, la manière de faire groover tout ça, à ce niveau-là, c'est toujours génial, parce qu'on prend un shoot d'absolu dans la manière dont ils affirment leur art. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. Quel que soit le style musical, c'est quand c'est absolu, la manière dont la personne fait son truc et on sent que c'est direct. Quoi. Elle n'a pas trop pensé, pas trop réfléchi. Quoi. C'est bon. No. des titres les plus puissants de la discographie de Delgrès, c'était Can't Let You Go. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette interview de Delgrès sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Nous allons terminer avec la dernière petite partie de l'interview, mais avant, je voudrais remercier Pascal, Baptiste et Ravji évidemment de Delgrès, et puis Marion de l'Astrolabe d'avoir permis cette belle rencontre. Je vous retrouve la semaine prochaine, quant à moi, dans ontherocks avec un revenant. Que dis-je, un retour du fils prodigue. Ce sera David Feknam qui n'a pas posé sa guitare, sa voix et son univers depuis bien trop longtemps à ses micros et dans nos oreilles en général. Eh bien, il revient à la musique avec un nouvel album en préparation, quasiment fini, tout chaud. Il attend la livraison de CD. Il viendra le défendre, le présenter à ce micro et noter dans vos tablettes également. Je vous le rappelle, le 12 décembre, il y aura un événement sur cette antenne de Radio Arc-en-Ciel sur 96.2. Le 12 décembre, il y aura une émission spéciale qui durera 2 heures pour fêter les 30 ans de cette émission avec des artistes qui m'envoient petit à petit des morceaux spécialement enregistrés pour cette émission, des reprises. Vous avez déjà beaucoup d'artistes qui ont été annoncés sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui sont en train de finaliser. Je peux pas encore vous donner les noms tant que j'ai pas reçu le morceau. Mais il y a du beau monde qui se pointe. Donc j'ai hâte. On retrouve donc Delgrès pour une dernière partie d'interview. Une bise à l'abeille si elle est à l'écoute. Une bise à la Duducherie Velvetaine s'il écoute. Mais là, je crois qu'ils écoutent. Et puis, je vous retrouve donc la semaine prochaine dans On The Rocks, 19h, 20h30. J'essaierai de tenir à peu près les horaires. Voici la dernière partie de l'interview des Delgrès. Bye bye, à la semaine prochaine. Et pour finir, est-ce qu'il y aurait un morceau de Delgrès que vous souhaiteriez vraiment que je diffuse ce soir, hein, peut-être qui n'est pas souvent diffusé et qui vous tient à cœur? Donc là, vous avez de la place. Chaque jour, bon Dieu fait. Ouais. Chaque jour, bon Dieu fait. Qui est une espèce de morceau un peu balade comme ça qui nous est tombé dessus en studio. Ouais, on l'a fait comme ça de manière très très. On l'a peu joué sur. On l'a pas joué sur scène. Si, on l'a un peu joué. Mais avant d'enregistrer. Non. On l'avait pas joué avant d'enregistrer. On l'a enregistré en studio comme ça. Et depuis même, on l'a peu joué sur scène. Et je sais pas, à chaque fois que je réécoute ce morceau, il y a une espèce de. Je sais pas, j'adore ce qu'est ce moment. Cette espèce de nostalgie. Ouais. C'est vrai que c'est bien de le passer. C'est une sucrerie qui, je pense, n'est jamais passée en radio. Et. Voilà, une petite sucrerie, un truc, un petit moment de douceur. Bon concert ce soir, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Changer.